Voivod et Crap Radio de leur album Infini, c'est nouveau en 15e place anglophone. Avant ça, c'était la seule et unique nouvelle entrée du côté franco, les Fatal Picard avec le Combat Ordinaire. Vous êtes dans les Palmarès C'est Fou, un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. Ce sont les pièces préférées des animateurs de C'est Fou. On s'en va entendre aux 14e place du côté anglophone, c'est nouveau The Doves avec un retour Winter Hill. Mais avant ça, voici Yann Perrault et le président Danse Autrement qui descend de la 7e place au 89.1 FM. C'est fou! Numéro 14. Une nouvelle entrée de la formation de Doves, elle s'appelle Winter Hills, avec leur album Kingdom of Rust. Deuxième extrait de cet album-là, le premier était Jetstream, ça a donc quitté les palmarès pour se faire remplacer par Winter Hill. Avant ça, du côté franco, on a entendu une pièce qui descendait de la 7e position, c'est de Yann Perrault, le président danse autrement. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou, le condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. On vous offre un 15 chansons francophones et on vous offre aussi 15 chansons anglophones. Hein? C'est beau comment je fais des belles phrases qui n'ont aucun rapport, puis je ne m'écoute pas vraiment quand je parle en direct. Ça n'a pas de sens. Bref, on se fout de moi, bien comme il faut. Regardons un petit peu ce qui s'en vient plus tard dans l'émission. Il va y avoir une nouvelle capsule de vie dont la droite question. Ça, c'est une capsule du mois extrême avec Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault. Pour la première fois, c'est fou, vous allez entendre la 5e de 5 capsules sur le lexique des arts visuels. Cette semaine, c'est la mise en abîme. C'est un sketch sur Patrick Masbourian. Les exploits se succèdent dans le clan de vie dont la droite question. Le duo d'humoristes réussit à mettre l'animateur Patrick Masbourian en abîme. Mais cette opération ne se fait pas sans quelques remords. Ça se passe dans environ une heure ici, au Palmarès C'est Fou, au 89.fm. Continuons avec nos positions numéro 13. Du côté anglophone, on retrouve la dernière nouvelle entrée de la semaine, Pale Air Singers, avec Horse Trade. Mais ce qui joue tout de suite, voici Marie-Pierre Arthur. Et oh, elle descend de la 5e place, ça fait mal. C'est droit devant, ça se passe tout de suite dans vos oreilles et dans votre radio, sur C'est Fou. Numéro 13.

The Get Down et This Is The City. Position numéro 12 anglophone, ça monte de deux places, ça vient de son CD ou de leur CD, Dirty Power. Dirty Power. Ouais, sale, c'est sale. Avant ça, c'était du côté franco, Les Violents Cachalots avec le cover du Journal Voir qui descend de la 4e place. Ça vient de leur album, mais 11 ans de succès. C'est toujours dans les panneaux C'est Fou qui est un condensé de la meilleure musique que C'est Fou va vous offrir. Oui, c'est un slogan, mais c'est aussi la vérité. C'est ce qu'on fait. On vous passe un top 15 francophone, un top 15 anglophone. Des pièces les plus aimées des animateurs de C'est Fou. T'sais, que demander de plus? Ah ben, que demander de plus? C'est une capsule d'humour extrême de la part des gars de Vidon là dans la question. Ça se passe dans environ, je dirais, un petit 45 minutes. À peu près. C'est vers les 18h15 le vendredi soir, vers les 16h15 dans la rediffusion du jeudi après-midi. Voilà. Sinon, nous, on s'en va entendre les positions numéro 11 du côté anglophone. C'était une nouvelle pièce. Une nouvelle pièce, oui, la semaine passée, elle monte donc de 4 places. C'est Love's Lovely Counterfeit de la formation Rum Runner. Mais avant ça, voici Iggy Pop qui est stable en 11e avec les feuilles mortes dans les panneaux. C'est fou, 89.1. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais. Et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie séparait ceux qui s'aimaient. Ces mots sans faire du bruit, et la mer effacée sous le sable, les pas des amants désunis. C'est une chanson semblait. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie séparait ceux qui s'aimaient tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer effacée sous le sable, les pas des amants déchaînés. Yeah. Rum Runner et Love's Lovely Counterfeit en 11e position anglophone. Ça monte de 4 places. C'était nouveau la semaine passée. Avant ça, c'était Iggy Pop et Les Feuilles Mortes. Oui, francophone, Iggy Pop. Iggy Éclate, comme je l'appelle. C'est même son album préliminaire. Et puis, c'est stable en 11e, 3e semaine de présence. Il nous reste environ une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure avant la chronique d'humour extrême. Vidons la longue question. Je vous rappelle que cette semaine, c'est la 5e de 5 parties. Sur le lexique des arts visuels, on va parler de la mise en abîme cette fois-ci. Les exploits se succèdent dans le clan de Vidon la dans la question. Le duo d'humoristes réussit à mettre l'animateur Patrick Masbourian en abîme. Mais cette opération ne se fait pas sans quelques remords. Ça se passe dans 30 quelques minutes ici au Panaracé. On s'en va entendre les 10e positions du côté anglophone. C'est Surefire Machine avec One Way Ticket qui monte d'une seule place. Mais avant ça, une pièce qui monte de 3 places. C'était nouveau la semaine passée. Voici Vedette d'Omicron avec The St. Catharines. Dans les palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Oh, que oui! C'est au 89.1 FM, c'est fou ça! cheap hotels, cover models. Looking back, you remind why I'm falling for one step behind. It goes a table turns, you roll your eyes, the whisper. Too many times I paid the price. I loved her once but killed her twice. Well, I run it clean, I run it fast. Well, I'm always first or I'm always last. So baby, red please, give me all the knees. Get you on your back, lay you like a rail track. Got a shotgun full of trust. I got tickets to ride that train. Bottle full of rust and pills to kill the pain. Without speaking, I found my love, she wouldn't break. When I could, would've settled for a second place. Well, I run it clean, I run it fast. Well, I'm always first around, I'm always last. So baby, red, please, you give me all the knees. Get you on your back, lay you like a railroad track. Got a shotgun full of trust. I got tickets to ride that train. Bottle full of lust and pills to kill the pain. Well, baby, is this party over? Cause I wanna go home, yeah. Baby, baby, please, you give me all the knees. Get you on your back, lay you like a railroad track. Got a shotgun full of trust. I got tickets to ride that train. Bottle full of lust and pills to kill the pain. Surefire Machine et One Way Ticket, ancien numéro 11, maintenant numéro 10, donc plus 1. Et avant ça, du côté franco, c'était Omnicron avec The St. Catharines et la pièce vedette qui monte de 3 places. C'était nouveau la semaine dernière et c'est la deuxième pièce de leur album Comme à la télévision à figurer dans mon palmarès. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. On est pas mal rendu, pas mal loin, je dirais, pas mal le tiers, un petit peu plus que le tiers du palmarès de passé. Et presque la fin de la première heure, je vous rappelle que dans environ 25 minutes, ça va être la chronique d'humour extrême, vidons la dans la question. Alors continuons tout de suite en musique, tiens, pourquoi pas. En 9e place anglophone, ça monte de 3, Snoo avec Stand Up High. Tout de suite, voici Martin Léon du côté francophone, c'est stable, c'est ça qui est ça. Ça, c'est le nom de la pièce. C'est ça qui est ça, tu sais. Ça peut juste dire c'est ça qui est ça, c'est aussi c'est ça qui est ça, parce que c'est au 89.1 FM, c'est fou. Ouais, c'est ça. Hein? Pas mêler de ce qui me regarde pas. Moi, je te dirais bien ça. Il y a un temps où, comme c'est, ben, faut que les choses se disent. Ça fait que, écoute bien là, même si t'ailles ça, ben, c'est ça qui est ça. Hein, tu? M'en est d'envie, là, un gars fait qu'est-ce qu'il y a à faire. Puis je voudrais juste pas que tu penses des affaires qui ont rien à voir. Prends ça comme tu voudras, là, même si t'haïs ça. Ben c'est ça, il est ça. M'en-tu? Mm-hmm.

Et Stand Up High en 9e position anglophone, ça monte de 3 places. Avant ça, c'était Martin Léon et c'est ça qui est ça de son album Moon Grill. C'est stable, 4e semaine de présence. Nous, c'est la fin de la première heure des Palmarès C'est Fou. Il nous en reste 2. Dans la deuxième, il va y avoir, entre autres, la musique du Roi Poisson, Carl et Cudon, Chinatown, Crash Ton Rock, The Novaks, White Cowbell, Oklahoma et Standing Waltz. Ça va être une très grosse deuxième heure. Il y a aussi la nouvelle capsule de vie dont la dernière question. Alors, restez avec nous au Palmarès C'est Fou! Chez Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan, ça sent le gros bon sens, avec le printemps à 0%. Avis au finissant. Notez que la toute nouvelle Nissan Versa et Nissan Sentra est éligible au rabais diplômé. Pour le prix, le service, la qualité, chez nous en Mauricie, c'est Nissan. Informez-vous chez Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. La saison 2008-2009 des Patriotes est maintenant terminée. Une saison remplie de performances. Saluons le championnat de la saison régulière de l'Ontario de l'équipe de hockey, le record universitaire canadien aux 50 mètres papillon de la nageuse Jennifer Carroll et la progression de nos équipes féminines et masculines de soccer. Bravo à tous nos athlètes qui ont porté fièrement les couleurs des Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières dans les disciplines du golf, du hockey, de la natation et du soccer. L'Organisation des Patriotes remercie la communauté universitaire, l'ensemble de la population de la Mauricie et ses partenaires pour leurs appuis au cours de l'année. Vos Patriotes vous donnent rendez-vous en septembre prochain. Soit de la partie, soit Patriote. Alors, prêt pour votre épilation, Madame Gingras? Oui! Dans 3, 2, 1... Ah! C'est trop froid! C'est pas lui, tu refuses l'épilation? Pour en savoir plus sur l'actualité métal trifluvienne et québécoise, C'est au poil. Nouvelles fraîches, entrevues, critiques et découvertes. C'est au poil, lundi, 22h. C'est fou dans vos oreilles, sur le net ou c'estfou.ca. Vous écoutez Les Palmarès, une présentation de Trois-Rivières Nissan et de Énergie Nissan de Shawinigan. Bonjour, c'est la deuxième heure des Palmarès C'est Fou pour la semaine du 10 au 16 juillet 2009. Je m'appelle Mathieu Plante. Cette deuxième heure commence avec les positions numéro 8 du côté anglophone. On va entendre Standing Waltz et Can't Break Me qui montent de la 13e. Mais avant ça, commençons tout de suite la deuxième heure. Mais beaucoup pas! Hein? Voici Crash Ton Rock. Au 89 FM, c'est fou! Je suis un rat parmi les loups. Je fréquente les punks et les voyous. Les samedis soirs, je me rends sous. Je rentre tard et à genoux. Je fume encore, même si c'est mal. Je prends pas soin de moi, je me sens pas mal. J'te les poste pour les rebelles. Je prends ma place parmi mes pères. La différence me rend bien. J'ai pas besoin d'approbation. Mes rétracteurs sont des moutons. Non, y'a de toujours pour critiquer. Ce que tu fais pour surmonter. Y'a de toujours prêt à juger ta manière d'être habillé. Mais nous sommes blancs, jaunes, rouges et noirs. Tous différents, plein d'espoir. La différence fait notre force. C'est dans un qu'on crache le drop. Je ne recherche pas de catégorie. Je veux être ce que je suis sans compromis. Ma coupe de cheveux ne m'importe pas. J'ai peut-être des scènes, c'est comme ça. On fait pas de crème avec la crache. Je veux pas que tu m'aimes ni faire la face. Non, y'a de toujours pour critiquer. J'ai loin, plus différent, plein d'espoir. La différence fait notre force. savent qu'on crache le truc. Don't you try to break me down. Standing Wall, c'est Can't Break Me en 8e position anglophone, ça monte de la 13e. Avant ça, c'était Crash Ton Rock avec une pièce qui s'appelle aussi Crash Ton Rock. Ça va être leur album des rats parmi les loups. Et ça, ça monte de la 15e place parce que c'était nouveau la semaine dernière. Ça franchit la moitié du palmarès d'un seul bon, ça, Crash Ton Rock. C'est très bon, c'est vrai. Avant de passer aux 7e position, je vous rappelle que dans quelques minutes, après sûrement les deux prochaines positions, sinon peut-être trois pièces, il va y avoir la capsule du mot extrême Vidon, là dans la question. Cette semaine, c'est la 5e et dernière partie de leur lexique des arts visuels. Et là, on discute de la mise en abîme de Patrick Masbourian lui-même. Ça s'en vient dans quelques minutes à peine. À Vidon-la-don, la question dans les palmarès, c'est fou. Mais tout de suite, on s'en va entendre les 7e positions. Du côté anglophone, c'est stable de Novax avec Why Wonder. Et là, avant ça, ça monte de la 14e place. C'était aussi une nouvelle entrée la semaine dernière, donc ça a franchi aussi la moitié du palmarès. Carl Éric Cudon avec Papa de Pa. Et je vous rappelle de nous suivre sur Twitter au twitter.com/palmarès. C'est fou là-dessus. Il y a plein de petites mises à jour cocasses, là. C'est super sympathique. C'est full trendy. Vous êtes chummy avec moi, comme on dit. Bref, twitter.com/palmarès. C'est fou là-dessus. Vous allez apprendre qu'il y a une mouche dans le studio en ce moment. Fait que c'est super le fun. twitter.com/palmarès. C'est fou. Voici Carl Éric Cudon au 89.1 FM dans vos oreilles. C'est n'importe quoi, Twitter, mais c'est le fun pareil, ça. Comme privilégié de connaître Mathieu Plante. We're The Novak, c'est Why Wonder, stable en 7e position anglophone, c'est mis de leur album Things Fall Apart, et avant ça c'était Calgary Cudon avec Papa Lapa qui monte de 7 places. Ça vient de Contre le tien, Ananna Bungalow. C'est le fun ça. Hey, tu sais que les gars de Vidon à leurs questions, ils sont toujours très très drôles avec leur chanson, ça me rappelle un peu ça, c'est Papa Lapa, comme sur des... Vidon à leurs questions. Vous êtes ici? Oui, je suis là. J'ai une question sur la mise en abîme. La mise en abîme? Ben oui, vous savez, là, la mise en abîme, là, lorsqu'une œuvre est incluse en elle-même par un jeu de miroir. Oh, donnez-moi un exemple. Ben oui, là, mettons, t'as un magazine, Paris Match, là, disons. Bon, sur la couverture du Paris Match, t'as une fille qui lit le Paris Match. Bon, OK? Sur la couverture du Paris Match qu'elle lit, ben, c'est la même photo d'elle en train de lire le Paris Match. Puis sur la couverture du Paris Match qu'elle lit, sa couverture du Paris Match, ben, c'est encore elle en train de lire un Paris Match. Bon, c'est un jeu de miroir qui finit plus, là. Comprends, veux dire? Ah oui, bon, d'accord. Bon, c'est ça, la mise en abîme. Je veux savoir, ça se fait-tu à la radio, ça, la mise en abîme? Ben, monsieur, on va la vider, votre question. Vidons-la dans la question. Vous êtes ici avec Patrick Masbourian. Aujourd'hui, une émission toute spéciale, car j'ai avec moi un petit transistor dans lequel on va écouter « Vous êtes ici », mon émission. Alors, je sais pas si on entend bien, mais je syntonise. Vous êtes ici avec Patrick Masbourian. Aujourd'hui, une émission toute spéciale, car j'ai avec moi un petit transistor dans lequel on va écouter « Vous êtes ici », mon émission. Alors, je sais pas si on entend bien, mais je syntonise. Vous êtes ici... Elle est très bonne, ton imitation de Patrick. Tu trouves? Moi, je suis sûr que Pierre Verville ferait pas mieux. Ah, je sais pas, je trouve ça lourd à assumer d'un coup, là. J'ai peur que Patrick le prenne mal. Je penserais pas, là. C'était pas méchant. Non, ben, regarde, je vais rentrer, puis... Sérieux? Oh, oui, on verra ça demain, là. Je fais le pont. Comme tu veux. Des fois, je trouve ça lourd. Faire l'humour à la radio. C'est la première fois que vraiment, tu sais, je me moque de quelqu'un. Non, ce n'est pas facile. L'humour à la radio. Il faut écrire, jouer, enregistrer. Et ce n'est même pas au point qu'il faut déjà entrer en onde. Il y a les critiques, les BBM, les PPM et les auditeurs qu'on ne verra jamais. Je m'arrête tellement, je change de carrière. Je pourrais être pompier et poser pour des calendriers. Ou je pourrais être vendeur d'assurance et se prendre ta femme avec le pompier. Ou je pourrais être médecin spécialiste. T'es sûr tu veux pas être pompier? Il existe tant de métiers valorisants. Mais moi, je ne suis qu'un animateur radiophonique. Un vulgaire comique. Un amuseur public. Un bouffon, un bozo. Non, ce n'est pas facile. L'humour à la radio. Merci. Merci beaucoup, merci. Et le comédien salua son public, se retira dans sa loge. T'es-tu encore en train de d'écrire, toi, là? Mais je te l'ai dit 100 fois, chérie. Je suis scénariste. C'est ma job d'écrire. Non. Écoute, là. Hein? Tu vas décrocher. On va écouter un petit peu de radio. Déploguer ton ordi. Hein? Changer d'idée. Rebonsoir, oh, vous téléphone. Êtes toujours t'es ici avec Patrick Masbourian. Oui, allô? Ici Radio-Canada. Allô? Voici le signal horaire officiel du Conseil national de recherche du Canada. Au début du très prolongé, il sera exactement midi, heure avancée de l'Est. Hein? Quoi? C'est qui au téléphone? Ben là, c'est Radio-Canada là, qui disent qu'au début du très prolongé, il va être midi. Ben voyons, il peut pas être midi. Il est quasiment rendu 9h15. Ben oui, je sais bien, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'était le lexique des arts visuels, la mise en abîme de Vidon à leur question, Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault qui font ces capsules d'humour extrême ici dans les palmarès, c'est fou. Toujours excellent et ma foi, superbe imitation de Patrick Masbourian, mon Masbou préféré. C'était Kyoto Butte. Nous, ben, c'est la dernière capsule pour l'instant, mais on va être de retour dans quoi 3 semaines avec de nouvelles capsules. Et là, il y a des surprises qui s'en viennent de la part de Bidon à la question. Je vous révélerai pas tout, hein, mais il y a quelques détails disponibles sur le www.unechance.com. On espère que les choses vont se suivre telles qu'elles le devraient. On pourrait avoir un petit numéro musical, disons, des gars de Bidon Ladon dans quelques semaines. Et plus tard, on va aussi avoir, et si on faisait un film d'action à la radio? Et si un jour, il n'y avait plus de lions? Ce sont les dernières questions que videront les gars de Vidon Ladon Question. Allez voir vidonladon.com sans le C, vidonladon sans le C.com pour toutes leurs capsules. Et sinon, ben, retrouvez-les aussi sur le site de l'émission au www.unechance.com. C'est le site des palmarès, c'est fou! On va continuer avec nos positions numéro 6. Du côté anglophone, on trouve White Cowbell Oklahoma qui descend de la 3e place avec Piece of the Action. Mais tout de suite, c'est le Roi Poisson et Croque Mort. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou! Au 89.fm. Censé m'en demander tant, mais depuis, je suis devenu un peu dépendant. À quelque part, je ne pouvais pas en faire autrement. Être croque-mort, c'est vraiment ce qui est le plus passionnant. J'ai essayé d'être caissier, plombier, huissier, boucher. J'ai aussi voulu être chauffeur, vendeur, respirateur. Ce que je préfère, c'est enterrer les morts. Et ma vie tout en or. Je suis surpris que ce soit pas juste des petits vieux que j'entends. Ça me rend malheureux. Il ne devrait pas savoir des cercles pour enfants. Quand j'en vois, je trouve cela bien éprimant. J'ai essayé d'être caissier, plombier, boucher, huissier. J'ai aussi voulu être chauffeur, vendeur, respirateur. Mais ce que je préfère, c'est enterrer les morts. Chose fondée, car à ceux qui espéraient trouver de quoi de mieux, il se peut que la douleur les ramène des cieux. We'll be right back.

qualité chez nous en Mauricie. C'est Nissan. Informez-vous chez Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. QuébecPunkScene.net, le site d'actualité punk, ska, hardcore et emo du Québec. Liste de concerts mises à jour quotidiennement. Fiches détaillées de plus de 500 groupes québécois. QuébecPunkScene.net, c'est le site de référence le plus complet. Encouragez la scène locale sur QuébecPunkScene.net. C'est fou, 89,1 FM, la radio autrement. Les palmarès C'est fou sont une présentation de Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. Casa Celso des New York Dolls en 5e position anglophone, ça monte de 3 places. Avant ça, en franco, c'était Chinatown et du jazz avec l'Apocalypse, ça monte de la 12e place, c'était nouveau. La semaine passée, ça vient de leur album Cité d'or. Je vous rappelle encore une fois que les Palmarès C'est Fou sont sur Twitter. Oui, twitter.com/palmarèscestfou. Et là-dessus, ben, je partage plein de choses à travers l'émission. Surtout que se passe quelque chose d'intéressant, j'en parle, tu sais. Comme, et là, je vous le dis en nombre, donc ça sert à rien d'être ami avec nous autres sur Twitter, mais quand même, à un moment donné, je vais arrêter de le dire. Bref, plus tard, après les numéros 1, on va faire un petit voyage dans le temps pour voir de quoi avaient l'air les Palmarès en 2003. On va entendre plein d'artistes retro. C'est un peu ça que j'essaie de dire. Donc, les Palmarès C'est Fou en 2003, c'est un petit peu plus tard dans l'émission. Mais pour l'instant, on est rendu aux positions numéro 4. Du côté anglophone, on va entendre My Son The Bomb avec Knockin' Fat. Ça monte de 2 places. Et tout de suite, voici Jean Leloup et sa pièce Laisse-moi. Au 89.1 FM, c'est fou dans vos oreilles. force de courir de but en blanc. Du coq à l'âne, elle parlait à son chat plus souvent qu'à moi. Comme si les choses auxquelles je pensais avaient été pour elle depuis longtemps oubliées, oubliées. Et j'ai dit laisse-moi avant que je m'en aille. Laisse t'aimer, mais tout fera toujours comme le mot amour, comme le mot amour. Comme le mot amour, il répondit. Si je m'en vais, jamais je ne reviendrai. Je prendrai le chat, bien fait pour toi. Morbide individu, angoissé de naissance, insécure, chronique. Tu me fais pitié, tu es dans les brancards. Prendre le mort au dents. Prendre le mort au dents. Le mort au dents. Le ménage à moitié est toujours dans ta tête. Tu ne me manqueras que quelques jours. Et ce n'est qu'à cause de l'habitude. Et ce n'est qu'à cause de l'habitude. Non mais dis, parle franchement. Dis-le-moi que tu ne m'aimes plus. Que tu ne m'aimes plus. Et j'ai dit laisse-moi avant que tout s'en aille. Reste m'étouffer, m'étouffera toujours. Comme le mot amour, comme le mot amour. Comme le mot amour, et elle répondit. Laisse-moi avant que je m'en aille. Reste m'étouffer, m'étouffera toujours. Comme le mot toujours, comme le mot toujours. Numéro 4. Knock and Fuzz de My Son the Bomb en position numéro 4, anglophone, ça monte de 2 places, ça vient de leur album Are We There Yet? Et avant ça, c'était Jean Leloup et Laisse-moi qui monte de 4 places dans notre palmarès francophone. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Et avant de continuer avec nos positions numéro 3, Mimi Van Der Loo et Pete Moss, regardons un petit peu ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Pourquoi donc pas? Parce que le top 15 francophone et top 15 anglophone, c'est pas les seules affaires que dans les palmarès, c'est fou. Non, il y en a d'autres, Il y a le top 10 électronique, le top 10 loud, le top 3 des disques canadiens. Et on va commencer avec le top 30 des CD. Une seule nouvelle entrée, Moby est en 30e place avec Wait For Me. Ensuite, en 3e, ça descend de une, Wild Cowbell Oklahoma avec Bombardero. En 2e, ça monte d'une place, donc c'est un échange tout ça. Sub avec To This Beat et finalement, en première place, c'est stable. 14e semaine de présence dans le top 30, Metric avec Fantasies. Dans le top 10 électronique maintenant, deux nouvelles entrées. En 9e, Jacuzzi avec Watching You. En 7e, Clan of Zymox avec Emily. En 3e, c'est stable, This Morno Mina avec Momentum of Singular Clarity. En 2e, ça monte de 2, Job avec Homes and Gardens MCD. Finalement, en première place du top 10 électronique, c'est IMX qui monte d'une place avec Think of England. Maintenant, dans le top 10 loud, il se passe rien de nouveau. Tout a changé de place, mais pas vraiment. En fait, non, du tout. Tout est exactement à la même place la semaine passée. En troisième, c'est stable, Graves of Valor avec Stellarion Gate. En deuxième, c'est Iron Maiden avec Flight 666. Et finalement, en première place, Voivod avec Infini ou Infini. On termine avec le top 3 des disques canadiens. En 3e, ça a tombé d'une place, Wild Cowbell Oklahoma avec Bombardero. En 2e, ça a monté. Encore une fois, on s'échange Sub avec To This Beat. Et finalement, en première place, ça fait aussi 14 semaines que c'est là, autant que dans le top 30 des CD. Et à la même position, c'est Metric avec Fantasies. Voilà qui fait le tour des autres palmarès qu'on appelle ailleurs dans les palmarès. Retournons à nos palmarès standards. En 3e place, ça monte de 2, Pete Moss avec Boost Babes and Barbecue. Mais avant ça, on écoute Mimi Van Der Loo qui monte de 3 places. Voici Tu sais dans les palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM, oh oui! Tu sais, je t'ai pas trompé, non. Attention qu'il y a One Chant là. Attention. Give peace a chance. Non? Je connais pas les paroles du tout. Chance. C'est une tune de Michael Jackson, je pense. C'est ça, exactement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. On vient d'entendre Pete Moss et Boos Babes at Barbecue au numéro 3. Ça monte de deux places du côté anglophone. Ben oui, avant ça, on avait entendu la troisième franco. C'était Mimi Van Der Loo avec la pièce Tu sais. Tu sais, Kiwan, c'est très bien de t'avoir ici. Ben, c'est un plaisir pour moi, Mathieu, d'être ici, tu sais. Ben oui, Kiwan qui arrive pour passer la dernière heure et un petit peu plus en notre compagnie au Palmarès C'est Fou, le condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. Et Kiwan anime la dernière porte à gauche à partir de 20h. Exactement. Le vendredi soir. Et on va tout de suite passer à nos deuxièmes positions. Du côté anglophone, on retrouve Metric et Satellite Mind, l'ancien numéro 1. Oh, c'est très bon ça, c'est dommage que ce soit plus numéro 1, mais c'est la même chose du côté francophone, c'est aussi l'ancien numéro 1 qu'on retrouve en deuxième, mais c'est numéro avec la pièce « Tout est parfait ». I think I'm going to sniff right ouais. Now. Ouais, c'est quand même deux très bonnes deuxièmes positions, ouais, numéro métrique. Ben tiens, j'adore. Ben allons les entendre alors. Tout de suite. Au Panorama, c'est fou. Au 89.1 FM, Mathieu. Dans vos oreilles, Kiwan. Tout à fait. Ben tiens. Lost one. Matrick et Satellite Mind, l'ancien numéro 1, maintenant deuxième position anglophone. Et oui, juste avant, on avait entendu numéro avec la pièce Tout est parfait. Ça aussi, ça quitte le sommet pour se retrouver en deuxième position. Et parlant de Tout est parfait, ben, c'est la fin de la deuxième heure et c'est presque parfait parce qu'il nous reste seulement les numéros 1 au début de l'heure, donc on va avoir plein de temps. Oui, et j'ai cru entendre que le concept pour après le numéro 1, après le palmarès, c'est qu'on retourne en 2003, c'est bien ça? Oui, on va voir ce qui se passait dans le palmarès. Il y a de quoi de cela 4 ans? 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 ans. 6 ans? 6 ans. 6 ans? 6 ans, 6 ans, ouais. À tantôt, Kiwan. À tantôt. On va oublier tout ça, on oublie. On fait comme si j'avais un peu... À chaque mois, des milliers d'internautes visitent le www.cifou.ca. Un site web exceptionnel, diffusant le signal exceptionnel de la radio exceptionnelle, partout dans le monde. Cifou.ca, présentation d'Infotech Internet. Cifou est à la recherche de chroniqueurs étudiants pour la session d'automne 2009. 1 000 $ en bourse sont offerts. Envoie ton CV à dgcifou@uqtr.ca avant le 24 août. Chez Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan, ça sent le gros bon sens, avec le printemps à 0%. Avis au finissant. Notez que la toute nouvelle Nissan Versa et Nissan Sentra est éligible au rabais diplômé. Pour le prix, le service, la qualité, chez nous en Mauricie, c'est Nissan. Informez-vous chez Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. Vous êtes assez fou en 89 ans. Vous écoutez les palmarès C'est fou, une présentation de Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. Bon retour sur la troisième heure des palmarès C'est fou pour la semaine du 10 au 16 juillet 2009. Et oui, vous êtes en compagnie de Mathieu Plante et de Kiwan Rakovchinski. Ouais, j'essaie de contenir dans ma tête, c'est quoi la différence entre 16 et 10. 16 moins 10, ça fait 6. C'est ce que j'ai appris en me faisant des petits tests pendant la pause. OK. Ouais. Ben oui, 16 et 10, ça fait bel et bien 6, mais... Oui. Ouais. Ben c'est ça, parce que je sais pas compter. Ça paraît comme entre 3 et 9, c'est la même chose. C'est exactement ça, en 2003 et 2009. Puis sinon, additionner, ça fait 10 plus 16, ça fait 26. C'est ça? Je pense que oui. D'accord. Vous êtes dans la troisième heure des palmarès, c'est fou. Il nous reste seulement les numéros 1. Et la raison qu'on parle de mathématiques comme ça, tu sais, en grand détail, c'est à cause du numéro 1 francophone. Parce que je fais des jeux de mots des fois, puis il faut les comprendre avec le temps. OK, tu préparais déjà le terrain pour tes jeux de mots pitoyables avec les premières positions. C'est ça, ouais. Preparing the terrain. OK. Mm-hmm. Comme les... comment dire, tu sais, c'est quoi les bêtes là, qui creusent dans le sol, là? Tu sais, qui ont toujours les doigts et les mains devant eux, à l'horizontale, super comme ça. Comment t'appelles ça? Les gremlins, les... Les zombies. Zombies. Ça creuse dans la terre, des zombies? Ben, il y a des zombies qui font du jardinage, Kiwan. Non, tu confonds avec le clip de Michael Jackson, ça n'a pas rapport. Ouais, c'est... Ouais. Ouais, des zombies et des fleurs. C'est ça, le clip de Michael Jackson? Ouais, je pense que oui. Non, je pense que c'est celui du nombre. Ah. Ouais. Et du côté anglophone, ben je sais pas, des fois tu peux creuser pour planter des fleurs, mais tu peux aussi creuser dans une mine, mettons, pour trouver de l'or, peut-être de l'or noir, mais c'est pas de l'or noir. Hein, c'est quoi de l'or noir, Kiwan? C'est la pièce numéro 1 palmarès francophone, je pense. Non, c'est de l'huile. Comme dans mon front. Parce que je suis, parce que je fais des mauvais jeux de mots. Ouais, hein, tu commences à patiner un petit peu. C'est ça. Mettons que mes jeux de mots sont sous la moyenne des... They're sub to the moyen. Sub. C'est le nom du groupe en anglais, sub. Hey, voici le nombre. Ah, wow. Ça, c'était ridicule, hein. C'était vraiment absolument ridicule. Ça, en tout cas. Moi, je pense qu'on arrête l'émission pendant au moins 2 semaines après ça. Minimum! Dans un trou à se décomposer. Bang dans la tête, bang bang dans la tête, bang bang dans la tête. Il pleut au pire et tu y es, sont devenus fous. Monsieur l'aéroportier, ce qui lui passe par les mains finit dans un trou. Les numéros 1 sont présentés par Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. Numéro 1 de nos palmarès, c'est fou pour cette semaine. Mais avant de dire les numéros 1, on va faire le reste des palmarès. Du côté anglophone, le numéro 3 est occupé par Pete Moss et Boost Babes and Barbecue. Du côté franco, la troisième, c'est ça? On va comme ça, oui, pourquoi oui, pas. Ça, je décide que oui, donc la troisième franco, c'était Mimi Van Der Glo avec la pièce « Tu sais ». Tu sais qu'on manque de planification. Le numéro 2 anglophone, c'était Metric avec Satellite Mind qui descendait de la première position. La deuxième franco, c'était numéro avec la pièce Tout est parfait. Du côté anglophone, on vient d'entendre le numéro 1 sub avec Black Gold qui monte d'une place. Et juste avant, on avait entendu le nombre avec la pièce Des zombies et des fleurs. Ça montait d'une place et ça fait 5 semaines que c'est dans les palmarès, ça, le nombre. Notre résumé est toujours un désordre. Hein? Toujours. Toujours n'importe quoi. Aucune façon de faire. C'est la fin de nos palmarès. C'est fou pour la semaine du 10 au 16 juillet 2019. En passant, vous allez pouvoir retrouver les palmarès au complet sur le cfou.ca. Les palmarès sont toujours là avec les belles petites photos des couvertures des albums, hein, www.cfou.ca. Alors, maintenant qu'on a terminé nos palmarès, il nous reste une cinquantaine de minutes pour regarder ce qui se passait il y a, et là, on a appris 6 ans. Hein? 2009 moins 2003, ça fait 6 ans. Ouais, c'est ça, mais je dirais même qu'on va faire plus que les regarder. Moi, je te suggère plus de les entendre, étant donné que le médium de la radio en est un auditif. Ouais, c'est ma suggestion. C'est comme moi, je dirais que mon pied va pas juste voir tes fesses, il va aussi y goûter, ça. Ben, écoute, c'est comme ça, il plaît, là, mais je pense que les palmiers aimeraient mieux entendre les positions. T'es sûr qu'ils veulent pas voir mon pied dans tes fesses, non? Ok, bref, en 2003, ce qui se passait, c'était plein de choses du côté des troisième positions. On va entendre un peu Evermore. Avec Slipping Away, mais on commence avec le côté francophone. Voici Melon Gallia ou Melon Gallia, hein, avec une affaire importante. Et ça, c'était pas ce qu'on vient de vivre. Hein. Et c'est dans les palmarès 2003. Au 89.1 FM. C'est même un peu dégoûtant, finalement. T'sais. Ça n'a pas sorti aussi bien qu'elle. Ouais. La prochaine fois, je me retiendrai. Retiens ton pied. Et tes fesses. Tiens-les. Sur le calendrier, à demain reporté, c'est perdu et c'est pour toujours. La mémoire qui flanche au moment opportun, une affaire importante à régler au plus tôt. Il y a comme un souvenir qui est en retard. Quand j'ai coupé court à mes résolutions, qui pourtant ne manquaient pas d'intérêt, je me suis fait à l'idée d'une occasion manquée, de me dire que tout va bien jusqu'à présent. que je portais à mes intentions de tout faire pour le mien n'a pas suffi à me faire entendre raison. C'est le sens du devoir qui ne m'a rien appris, un aveu difficile qui m'a poussé à bout, la possibilité d'encore s'estimer. Mais quand j'ai coupé court à mes résolutions, qui pourtant ne manquaient pas d'intérêt, je me suis fait à l'idée d'une occasion manquée de me dire que tout va bien jusqu'à présent. Evermore avec Sleeping Away en position numéro 3 de notre palmarès de 2003. Oui, avant ça, on avait entendu la troisième position francophone, c'était Melon Gallia avec la pièce L'Affaire Importante. Et puis Melon Gallia, ça a été un de leurs derniers moments de gloire, hein, les palmarès C'est Fou en 2003, parce qu'ils se sont séparés pas longtemps après, en 2004. C'est un groupe belge, mais les membres du groupe sont à peu près tous dans des projets solo. Projet solo, pas trop connu, mais si ça vous intéresse un petit peu plus, vous pouvez aller faire un tour au www.myspace.com/Belgian, belge en anglais, Melon Gallia. Puis leur site MySpace est encore à jour. Ils sont allés là, quelques semaines, quelques jours presque. Donc, malgré que ça fasse 5 ans que le groupe n'existe plus, le MySpace est toujours à jour. Donc, on a l'air d'avoir le goût encore de faire vivre ça. Puis c'était bon, moi j'ai découvert ça, je connaissais pas ça, je viens juste de découvrir Melon Gallia. Même chose pour moi, c'est juste avant que j'arrive à C'est Fou et je dois dire qu'on aime les melons. Position numéro 2, anglophone, OSI avec Dirt from a Holy Place qui montait d'une place à ce moment-là. Mais tout de suite, on écoute la deuxième position 2003 des palmarès. C'était tout pour la frime du groupe Biocide. C'est vraiment passé inaperçu mon commentaire. Les melons. Les melons. Ben, les melons. OSI et Dirt from a Holy Place au numéro 2 anglophone de notre palmarès et qui était en avril 2003. Avant ça, on avait entendu tout pour la frime du groupe Biocide. C'est un groupe punk rock français qui vient de Marseille. Et puis, eux, ils existent encore. Ils ont même sorti un album récemment. Puis, vous pouvez le télécharger gratuitement au www.biocidelesite.com. Meilleur que Biodome avec Pauly Shore. Hey, c'était bon, ça. Oui. T'as pas vu, ça, non. Tout le monde en rit, mais fait que, tu sais, j'en ris avec eux autres, mais je l'ai jamais vu. Ah, c'est ton genre. Ça t'en parle, tu fais des commentaires désobligeants, mais tu l'as jamais vu. Au Mickey One, je suis libre, mais je suis la masse. Ouais, mais c'est un classique de mon enfance. Tu peux voir qui est le jeu de moi avec le numéro 1. Ben oui, c'est exactement le titre de. Ouais, on est libre, mais on suit la masse. Tu sais, je suis le même, moi. Même en 2003, je faisais des mauvais jeux de mots, j'étais pas encore assez fou, mais. Non, mais ça, c'est un état d'être. Là. Tu l'as toujours été, en fait. Oui, c'est ça. C'est une mongrénite aiguë. Ouais. On décide pas un jour comme ça de faire des d'aussi mauvais jeux de mots. Quand même que je voudrais aujourd'hui le faire, je pourrais pas. Non. Toi, tu l'as dans la peau, c'est pas pareil. Dans la poule. C'est un choix que j'ai fait. C'est entre l'œuf et la poule. Ça arrête pas. Qui m'en graisse. Ouais, je sais, je suis insupportable. Merci de le rappeler à notre audience, à notre public. Adoré. Un public adoré qui peut aller se renseigner sur le www.unechance.com pour avoir tous les liens de l'émission d'aujourd'hui, pour savoir qu'est-ce qui a joué, pour savoir c'était quoi la capsule de vidéo en question, avoir le lien vers leur site web, avoir le PDF du palmarès de la semaine, avoir le Twitter du palmarès et même le Twitter de la dernière porte à gauche. Même ça. Twitter.com/LDPAG. Je devrais aller faire un tour, bref, sur le unechance.com. Si tu veux, je vais même te donner un mot de passe pour que tu ailles le mettre toi-même à jour, si tu veux. Pour l'instant, c'est moi qui s'en occupe. Hein? Un peu comme celui des palmarès c'est fou, twitter.com/palmarès c'est fou. Et là-dessus, on apprend tellement de choses. Tellement de choses. Vous avez même appris en primeur là-dessus qu'on allait faire le palmarès de 2003. Fait que... Hein? C'était-tu un scoop, ça, il y a qu'un peu, je veux dire. Tout excitant, tu sais. It's mouilling. C'est mouillant. Parce que... OK, donc numéro 1 de nos palmarès de la semaine du 11 au 17 avril 2003. Si tu veux, Kiwan, tu peux arrêter d'écouter les palmarès, c'est fou quand c'est juste moi qui en parle. Tu peux me boycotter. OK, je peux faire ça. Boycott. Ouais, OK. Mais je suis libre. Je suis libre, en fait, de te boycotter. Oui, mais suis la masse pareil. La masse écoute, c'est fou, donc. Donc, je te boycotterai pas. Non. Tu vois? Ça vient de s'annuler. Voilà. Voici Yannick et les Barniques avec On est libre, mais on suit la masse. Ah, le palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. En 2003. In 2003. We'll be right back. Vous écoutez Les Palmarès, une présentation de Trois-Rivières Nissan et de Énergie Nissan de Shawinigan. La dernière porte à gauche, c'est la place pour découvrir les artistes issus de la nouvelle scène locale francophone. Avec des nouvelles, des entrevues, des critiques, des primeurs, c'est l'occasion pour vous de faire de belles découvertes. La dernière porte à gauche, vendredi 20h. Chaque mois, des milliers d'internautes visitent le www.cifou.ca. Un site web exceptionnel, diffusant le signal exceptionnel de la radio exceptionnelle, partout dans le monde. Cifou.ca, présentation d'Infotech Internet. Chaque jour, vous prenez soin de vos proches, de vos biens, de vous. Mais vous pourriez aussi prendre soin de la source de toute vie, notre eau. Il vous suffirait de modifier quelques-unes de vos habitudes pour diminuer votre consommation d'eau. Cet été, Réseau Environnement vous invite à participer au programme d'économie d'eau potable. Visitez dès aujourd'hui réseau-environnement.com. Parce que l'eau ne coulera pas toujours à flot, notre eau. J'en prends soin. Art Sonic est la pièce de Seer de la trame sonore du film Fake. C'était en fait, l'artiste était numéro 1 du palmarès anglophone en avril 2003. J'ai trouvé le numéro 1, la vraie pièce. Oui, parce que c'est pas tout à fait cette pièce-là. Non, c'est ça? Non. C'était une autre. Mm-hmm. Donc, on va l'entendre dans quelques minutes, secondes même. Et on va avoir plein d'autres choses pour vous plus tard. On va entendre du Sunset Rapdown. Oui, ça, c'est dans ce qui a plus rapport avec 2003. On revient en 2009, en fait. Avec Sunset Dropdown et puis plein d'autres trucs pour le reste de l'émission. Mais pour l'instant, voici le numéro 1 anglophone en avril 2003, Art Sonic et Boycott. Numéro 1 du décompte anglophone de CQ 89.1. Boycott. Art Sonic et Boycott au numéro 1 en anglophone pour la semaine du 11 au 17 avril 2003. Leur album s'appelait Activist. Et il s'appelle encore comme ça, je suis sûr. Oui, tu sais ce qui se passait cette semaine-là dans la semaine du 11 au 17 avril en 2003? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là de la semaine du 11 au 17 avril en 2003? Plus précisément, le 14 avril 2003, après plusieurs années de règne péquiste au Québec, c'était l'élection de Jean Charest et du Parti libéral qui sont encore aujourd'hui à la tête du gouvernement québécois. Wow! C'était pendant la semaine du palmarès qu'on vient de faire. Wow, Kiwan, mais tu m'éduques tellement. Pertinent. Je t'idolâtre. Alors voilà, c'était la fin de la parenthèse 2003. On peut revenir en 2009 maintenant. Tu es mon mu. C'est comme le masculin de muse. T'es mon mu. Ouais, Kiwan. OK, donc on a fait le tour des positions numéro 3, 2 et 1 du palmarès du 11 au 17 avril 2003. On revient en 2009. On revient dans le présent parce que ça sert à rien de s'acharner sur le passé, Kiwan. Non, arrête de vivre dans le passé, Mathieu. Un peu trop de métal dans le passé, je trouve. En passant. Il y en avait beaucoup, hein, cette semaine-là. C'était quelque chose. Bref, en 2009, ce qui intéresse Kiwan écoute de la musique dans sa vie, tu sais, contrairement à moi. Ben toi aussi, Mathieu, ouais. T'en écoute. Un peu moins, tu sais. Tu nous as choisi deux artistes que tu trouves très bons. Ouais, c'est ça. C'est des artistes qu'on a déjà présentés ici dans les nouveautés. Sunset Dropdown, qui est une formation qui regroupe plein d'artistes, entre autres des groupes Pony Up et Wolf Parade. On en a déjà parlé ici, mais c'est ça, c'est juste un album que je trouve très bon et que j'écoute beaucoup ces temps-ci. Et puis aussi de Lovely Feathers, que t'aimes toi aussi. Oui, j'adore Lovely Feathers. Surtout leur album Hein Hein Legs, je l'écoute encore. J'ai moins écouté celui-là, j'ai pas vraiment encore eu le temps. Il est tout nouveau, celui-là. C'est ça, il est tout neuf. Fait que, vous donnez une chance à un moment donné. Hein? On va te donner cette chance-là tout de suite. Ah, ben OK. C'est une bonne idée. On va entendre la pièce Ossified Homes, mais avant ça, voici Sunset Rapdown et Silver Moons. Dans les palmarès, c'est fou. Au 89.1 FM. Et sur la radio campus de Trois-Rivières. Allez voir lunechance.com pour la liste des pièces qu'on écoute aujourd'hui. Hein? Lunechance.com. Une chance qu'on a, lunechance.com. Comment on dit? Hein? On va arrêter de le dire à un moment donné. Hein? C'est ça. Till you send me away. fires make me think of you. Looks like the prophecy came true. You are a fallen tree, he is a fallen tree. How old are you? No, how old are you? Bonjour, ici Kiwan et Mathieu. Les Palmarès c'est fou et vous écoutez Les Palmarès c'est fou avec Mathieu et Kiwan. Même pas quoi dire. C'est très bon ça, de Lovely Feathers, c'est la pièce Ossified Homes qu'on vient d'entendre. Et juste avant ça, il y avait The Sunset Rubdown avec la pièce Idiot Art. C'était pas Silver Moons. Ça se peut. C'est ça. Silver Moons. Peu importe. Ouais. Bref, deux groupes à conseiller. Moi, j'aime beaucoup ça, ce que tu m'as fait entendre là. Et Lovely Feathers, j'ai pas encore entendu l'album au complet, leur plus récent qui s'appelle, si je me trompe pas, Fantasy of the Lot. Oui, c'est québécois en plus, ces deux groupes-là. C'est deux génial. Deux groupes montréalais. Vous pouvez écouter des pièces de leur album Hind Hind Legs si vous êtes capable de trouver ça quelque part sur Internet. MySpace, quelque chose de genre. Ta suggestion, ça. J'adore ça! J'écoute ça en boucle dans la voiture. Bref, ce que vous écoutez peut-être dans votre voiture en ce moment ou à la maison ou près de votre piscine ou peu importe, c'est des palmarès assez fous. On est presque à la fin de l'émission. Il nous reste pas grand-chose à entendre. On va aller se pousser quelques petites pièces de nos palmarès du passé, juste comme ça en général, là, dans le bon vieux temps. Téléphérique, c'était très bon ça, dans le palmarès. Et leur album s'appelait Le fil conducteur et on va entendre la pièce à distance. Toutes les mélodies sont faites avec la basse, hein, contrairement à le général. Souvent des airs de guitare, souvent dans la musique rock, parce que c'est quand même un groupe rock, mais tout est fait avec une basse. Vous écouterez, là, ça paraît pas tant, mais oui, c'est vraiment juste de la basse tout le long. Ça va me faire voir cette pièce-là tellement différemment, je savais pas m'avoir dit ça. Super intéressant. Wow, j'adore ça. Vous êtes dans les palmarès c'est fou avec qui on est, Mathieu? Au 89.1 FM. Je vais pas finir. Je vais pas finir. Je vais pas finir ça. Qui est la pièce à distance de leur album Le fil conducteur dans les palmarès c'est fou. C'est déjà la fin de l'émission, on doit se dépêcher un petit peu, hein? Kiwan s'en vient avec la dernière porte à gauche à partir de 20h. Kiwan, petit minuscule, tout petit, t'avais un goût de ce qui s'en vient ce soir? Ben, entre autres, du Vanesse Pariétaire, parce que l'album tant attendu, l'album complet et concept de Vanesse Pariétaire, ça sort la semaine prochaine. On va en écouter un petit peu. Et puis sinon, comme ça, des noms qui vont être dans l'émission ce soir, voir du Olinéa, du Bonjour Brumaire, du La Question et plein d'autres musiques francophones, comme d'habitude. J'ai bien hâte d'entendre ça. C'est à la dernière porte à gauche, c'est ce soir, les vendredis à 20h. Sinon, c'est en rappel les mercredis à partir de 17h. Nous, on est en vacances les deux prochaines semaines, donc pas de palmarès du tout la semaine prochaine et l'autre d'après. Et non, congé pendant deux semaines. Congé de dernière porte à gauche même pendant deux semaines. Donc, on se retrouve tout le monde, tous ensemble, dans trois semaines. Et voilà. Et puis, dans trois semaines, il va y avoir une toute nouvelle capsule de Vidon à la question. Et si je peux l'annoncer, là, je ne sais pas encore confirmé, mais ça devrait être un numéro musical. Donc, ça va être cool avec Vidon à la question. C'est vendredi dans trois semaines. Et là, si je peux vous dire la date exacte, parce que sinon, c'est un petit peu proche, là. C'est le 31 juillet qu'on va être de retour. Moi, je vais être à CNX quand même. Mais il va y avoir des rediffusions des spéciaux sur les petites mythologies de Martin Bertrand. Donc, soyez là les deux prochains jeudis à partir de 11h. Puis, ben, c'est pas mal tout pour nous. Allez voir lunechance.com pour les liens et pour savoir ce qui s'est passé dans l'émission de cette semaine. On se quitte rapidement avec un extrait au moins de Tsar et Bad Girls Money. Kiwan, merci. Merci à toi, Mathieu. Bonne émission. Merci. Bye bye, tout le monde, les palmiers. La bonne vacances, là, si vous êtes en vacances. Ils sont peut-être pas en vacances, je sais pas. Je les connais pas personnellement. On est pas si proche que ça. Quand même. Un peu de gêne. Les palmarès C'est fou ont été présentés par Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan.